La chronique du directeur général du club de golf de Saint-Prime, Junior Junot, est une présentation du garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien, qui vous invite à faire un trou d'un coup avec sa vaste gamme de camions neufs et usagés, ainsi que des voitures d'occasion pour tous les budgets. Le garage Paul Dumas Buick GMC de Saint-Félicien au 762 Boulevard Sacré-Cœur au 418-679-1605. Tout le personnel et la direction du garage Paul Dumas désirent souhaiter une bonne saison à tous les golfeurs et golfeuses. Junior Junot, c'est la chronique du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Salut Junior! Salut Danny! Junior, si on parlait d'abord d'hier, il y a eu un trou d'un coup en fin de semaine en partant. Hein. C'était intéressant ça? Oui, justement hier, trou d'un coup, M. Guy Demeul, golfeur de Debien, trou numéro 12, okay. Dans de 135 verges, c'est le premier trou d'un coup de l'année. Normalement, on a toujours 3 ou 4 trous d'un coup par saison, mais là, c'était le premier de l'année qui a été l'œuvre de M. Demeul. C'est que vous le donnez, une bonne main, félicitations. Ben, il y a de quoi que... Je sais pas honnêtement ce qu'il donne. Tu sais, je sais qu'à Dolbeau, là, il y avait une plaque qui était remise. Est-ce qu'il y a une plaque qui va être remise? Ça, c'est une autre affaire. Je sais que par contre, il y a un tableau qui recense tous les trous d'un coup. De l'histoire? Dans l'histoire, dans l'histoire du club de golf. Alors, c'est sûr que son nom va être inscrit au tableau. Et comment il y en a eu dans l'histoire, tu sais-tu? Vite de même, je ne serais pas en mesure de te répondre, mon cher. OK. Donc, dans l'histoire du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, il y avait également un omnium senior en fin de semaine, la semaine dernière, et le bon président, j'ai aimé faire la chronique avec, il y avait du fun avec cette gang-là. C'est Rémi Curtinus qui a remporté cet omnium-là. Ouais, ça se déroulait mardi dernier. Et c'était, je ne me trompe pas, c'était sur les allées du club de golf, pas mardi dernier, c'était de la semaine précédente, mais ça se déroulait au club de golf Arvida, et c'est Rémi Curtinus qui l'a emporté au total, là, le grand vainqueur de la journée. Fait que Rémi connaît un excellent début de saison, tout un golfeur, ça fait des années que Rémi joue au golf, puis il a toujours été un excellent golfeur, puis ça le traduit là, par, justement, en fin de semaine, mais dernièrement, une belle victoire là, sur le circuit senior qui est débuté là, depuis quelques semaines. Chaque mardi, on se déplace à différents terrains de golf de la région. Et oui. Chez nous, là, à Saint-Prime, les golfeurs de senior vont être là quelque part au début, je crois, c'est le 6 août prochain. Le 6 août prochain, notre ami Bodé Cloutier qui devait être là également. Est-ce qu'il était-tu là, Bodé? Oui, Bodé fait toujours le circuit, fait toujours le tour de tous les terrains de la région là, par le biais, là, justement, par l'entremise de ces tournois-là seniors là, du circuit régional. Oui, effectivement. Si on parlait maintenant de votre début de tournoi, c'est le début de saison qui va avoir lieu la semaine prochaine également. Ouais, c'est samedi, là, le tournoi d'ouverture qui va se tenir samedi. Les départs, tous les joueurs vont partir en même temps sur différents trous. Alors, à 9h30, c'est le début de la journée. Il va y avoir des activités aussi après la ronde de golf, des petits concours pour amuser les gens en soirée. en soirée aussi, là, souper, michoui. Non, ça devrait être une belle journée. D'ailleurs, là, j'invite tout le monde à s'inscrire. Il est encore possible de s'inscrire au tournoi là, jusqu'à jeudi. 4h déjà, là, on avait 60 de joueurs d'inscrits. On espère aller chercher aux alentours assurément 80. On va aller chercher 80 golfeurs pour le tournoi, ce qui serait très le fun. C'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde. C'est pas, on parle d'un tournoi, là, pas nécessairement un tournoi là, dans le sens que on est là pour s'amuser, jouer ensemble, pas besoin de se faire des équipes entre amis. Puis l'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Ça coûte pas cher. Là. Quelqu'un qui n'est pas membre, là, c'est 10$ pour jouer. 18 trous. Quelqu'un qui est membre, bon, c'est 5$. Puis après ça, ben là, avec un repas là, pour chaque joueur là, qui est à 25$ pour les non-membres, 20$ pour les membres. Ce qui fait que C'est une journée qui devrait être couronnée de succès. On va avoir un invité, là. On a un invité surprise qu'on ne peut pas dévoiler pour le moment, mais tu auras l'occasion peut-être de faire une entrevue avec lui après son passage, mon cher Danny. Ça doit être un gars comme Pierre-Alexandre Bédard ou Kevin Fortin-Simard. On verra à ce moment-là, mon cher. Tu verras en fin de semaine prochaine. Bon. Ça fait d'ailleurs invité, moi. T'es d'ailleurs invité, mon cher ami Danny, à venir te joindre à nous la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Ouais. Donc, ça fait le tour pour cette semaine? Oui, je remets ton enthousiasme à venir nous rejoindre samedi prochain, mais oui, effectivement, ça fait le tour pour... Donc voilà, c'est notre ami Junior Junot qui nous parlait de la chronique du club de golf domaine Lac-Saint-Jean, présentée par le garage Paul Dumas de Saint-Félicien.